Vitaliho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Le gouvernement de Bujumbura n'a pas encore reçu une quelconque correspondance de la part du Rwanda qui demande le soutien du Burundi à la candidature de ce pays voisin à la tête de la francophonie. Dans ce journal, vous entendrez Philippe Nzobonariba, le porte-parole du gouvernement burundais. La manière dont la justice transitionnelle doit être gérée ne reflète pas le consensus des États, la communauté internationale et la société civile. Vous entendrez dans cette édition le président de la CVR, Monseigneur Jean-Louis Nahimana. Toute personne emprisonnée pour l'une ou l'autre accusation a droit d'interjeter appel de son procès. Agnès Wangilichenge, porte-parole de la Cour suprême, réagit ici par rapport à la libération mercredi de Melquiade Nzofavarouche, un cadre du parti CNDD-FDD au pouvoir. Reportage de ce vendredi, Placide Niomungere nous conduira sur la colline Kizuka en commune et province de Lumonge au sud. Les habitants de cette localité plaident pour l'extension d'un centre de santé hier. Il est trop exigu par rapport à la population de la localité. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La manière dont la justice transitionnelle doit être gérée ne reflète pas un consensus des États, la communauté internationale et la société civile. C'est du moins le point de vue du président de la commission Vérité et Réconciliation. C'était ce mercredi lors d'un café politique organisé par l'ONG locale Initiative et Changement Burundi sur les résultats des commissions Vérité à travers le monde. Monseigneur Jean-Louis Nahimana indique que le concept de la justice transitionnelle est nouveau et que les recherches à ce sujet n'ont pas encore abouti. Suivez Monseigneur Jean-Louis Nahimana, le président de la CVR. La notion de justice transitionnelle est un concept très récent, un concept qui se recherche encore. Au niveau académique, il y a des recherches qui sont en cours, mais d'emblée, je vous dirais qu'il n'y a pas de consensus. Au niveau de la francophonie, par exemple, ils ont leur vision de la justice transitionnelle, qui insiste beaucoup sur la justice ou question de tribunal. Mais quand vous allez dans le monde anglophone, eux, ils insistent beaucoup sur la paix, la stabilité. Parce qu'après tout, la justice transitionnelle cherche à rétablir les relations comme elles étaient avant les différentes crises. La justice transitionnelle dépasse le simple cadre de la justice pénale. Il y a toutes ces questions de guérison, de thérapie sociale. Quand on parle de justice, il s'agit de quelle justice? Parce que tout de suite, les gens, quand on parle de justice, ils voient le tribunal. Est-ce que c'est le seul type de justice qui existe? Vous allez en Afrique du Sud, Desmond Tutu insistait beaucoup sur la justice restauratrice. Une justice qui répare les relations. Une justice qui tient compte des victimes, mais aussi une justice qui donne aussi la chance aux bourreaux de se réhabiliter. Quel type de justice qui tient en compte les victimes, mais aussi qui tient en compte la réparation du tissu social brisé? Il n'y a pas de recette en la matière, ou alors du copier-coller. En matière de justice transitionnelle, il n'y a pas de consensus. Il y a au moins trois catégories, bon, ça aussi c'est mon observation, qui se disputent le champ de la justice transitionnelle. Il y a la communauté internationale, avec la nouvelle prise de conscience de la diplomatie qui vise la lutte contre l'impunité, qui a sa façon de voir, qui est aussi dans une sorte de combat ou de lutte. Il y a les sociétés civiles qui aussi ont leur vision, mais il y a aussi les États ou les politiciens. Et si vraiment on creuse en profondeur, vous verrez qu'il y a une sorte de conflit entre ces trois institutions. Les gens ne s'accordent pas encore sur la manière dont la justice transitionnelle doit être gérée, menée. Monseigneur Jean-Louis Nahimana, président de la Commission Vérité et Réconciliation, propos recueillis par Charles Makoto. Le ministère de l'Intérieur et de la Formation Patriotique interdit le transport du café au-delà de 18 heures. Ceux qui passeront outre cette mesure seront punis. C'est la mesure prise par le ministère de l'Intérieur contre la fraude du café. Dans un atelier avec les différents administratifs et les intervenants dans le secteur du café ce jeudi à Gitega, le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions a précisé que la production a été bonne cette année. Correspondance d'Arthur Kavabushi depuis Gitega. Selon le ministre de l'Intérieur, de la Formation Patriotique et du Développement Communal, Pascal Baranda Guillé, les fraudes sont de différentes formes et c'est la raison pour laquelle ils annoncent une priorité. Il a indiqué que la fraude ne se fait pas uniquement sur le café et qu'il y a aussi la fraude sur les aliments qui sont exportés dans des voies illégales. Le ministre a souligné que c'est une bataille qu'ils ont commencé et qu'ils sont à une étape satisfaisante. Quant aux mesures prises, il y a celle qui dit que le transport du café qui se fera après 18 heures, ce café sera saisi, vendu et l'argent sera versé sur le compte de la commune d'origine, puis le camion qui le transportait sera saisi définitivement dans le but de combattre la fraude du café, étant donné que c'est la culture qui fait entrer les devises et partant développe le citoyen. Il a mentionné qu'il y a une réglementation qui régule le circuit du café depuis la station vers la zone de départ. Le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, ingénieur de Ogi Derulema, a dit que la récolte a été bonne car ils auront 94 000 tonnes de café cerise et que pour l'exportation, ils auront entre 20 000 et 22 000 tonnes. Quant aux mesures prises, il y a le travail en synergie de tous ceux qui interviennent dans le secteur du café et la collaboration avec le ministère de l'Intérieur, ainsi que les forces de sécurité. Sachez qu'actuellement, il n'y a plus de dette pour le cultivateur et que le prix par kilo du café cerise est passé de 400 francs à 500 francs bourg. Arthur Kaba Aboussi, Gitega, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Toute personne emprisonnée pour l'une ou l'autre accusation a droit d'interjeter appel de son procès. Déclaration faite par Agnès Vangelichenge, porte-parole de la Cour suprême. Elle réagit par rapport à la libération mercredi de Melchiade Nzofabarouche, un cadre du parti CNDD-FDD au pouvoir. Dans l'émission publique animée par les porte-parole de différentes institutions ce vendredi, Agnès Vangelichenge précise que le fait qu'un détenu bénéficie de la liberté provisoire recourt de la décision de la justice. Suivez-la, elle est traduite à la cabine technique. On m'a fait signe que l'élément d'Agnès Vangelichenge n'est pas disponible. Et dans l'entretemps, le député Pierre-Célestin Dikoumana de la Coalition des Indépendants à Misere à Barundi demande plutôt que les personnes incarcérées pour avoir mené campagne pour le non soient libérées à leur tour. Honorable Pierre-Célestin Dikoumana donne comme argument que même celui qui était emprisonné pour des accusations graves, il parle ici de Melchiade Nzofabarouche du parti CNDD-FDD au pouvoir, a été relaxé. Suivez-le. L'appel est simple, pire est simple, c'est le respect de la loi, c'est le respect des principes, le respect des procédures. S'il advient que celui-là soit libéré, c'est d'abord incompréhensible. Ce qui est étonnant encore en addition à ça, c'est que, bien évidemment, il y a d'autres personnes qui ont été incarcérées pour avoir été soupçonnées d'enseigner le non, alors que c'était de leur droit, comme il s'agissait d'un référendum. C'était de leur droit, bien sûr, d'exprimer leurs opinions, de pouvoir même sensibiliser pour le non à la Constitution. Donc, ce qui est regrettable, c'est que ces gens-là restent coupés dans les prisons. Évidemment, l'appel qu'on peut lancer, c'est le respect de la loi, c'est la lutte contre l'impunité, c'est-à-dire sanctionner ceux qui ont commis des crimes graves, mais aussi la libération des personnes innocentes qui sont victimes de violations de leurs droits. Parce que si on emprisonne quelqu'un qui a sensibilisé pour le non et qui est soupçonné d'avoir voté pour le non à la Constitution, c'est une violation pure et simple de son droit. Retournons un peu sur l'élément d'Agnès Vangelichenge, porte-parole de la Cour suprême, qui réagit par rapport à la libération mercredi de Melchiade Nzofabarouche du parti CNDD-FDD au pouvoir. Elle dit que toute personne emprisonnée pour l'une ou l'autre accusation a droit d'interjeter appel de son procès. Bakoze ibyaha bijyanye n'amatora bijyanye n'amategeko bihanye n'amategeko rero les auteurs des infractions à rapport avec les élections ont été punis conformément à la loi. Les procès ne sont pas les mêmes puisque les circonstances des infractions ne sont pas les mêmes. Les procès de flagrance ont eu lieu et certains accusés ont interjeté appel et la justice doit l'écouter aussi longtemps que les recours est fait dans les délais. Pour la personne qui avait été accusée accusés d'incitation à la haine, l'intéressé a interjeté appel et c'est son droit puisqu'il n'était pas satisfait du résultat de la première instance. La justice a rendu sa décision. Il a été libéré provisoirement conformément à la loi. Il n'a pas été acquitté, mais la décision rendue permet de le mettre en liberté. Concernant d'autres personnes arrêtées au cours de la période électorale, si la justice a déjà tranché, les personnes non satisfaites n'ont qu'à faire recours. Ils seront libérés si le juge d'appel le tranche ainsi. Ukuriri yaro baciriye bakarashira mu mwitegenzo bazuja mu mwitegenzo nkuko se nari byo bibishinze. Les travaux effectués par les enfants de la colline Enemba en zone Nyabihogo, c'est dans la commune et province Kayanza au nord du Burundi, c'est l'une des causes d'abandon scolaire, mais il y a aussi la pauvreté des familles et selon des enfants qui se sont exprimés à la radio Isanganiro. L'administrateur communal de Kayanza dit qu'ils vont tout faire pour que ces enfants puissent regagner l'école. Les précisions de Namianda Ikeje qui s'est rendu à Kayanza. Ce sont certains des enfants de la colline Enemba de la zone Nyabihogo, c'est dans la province et commune de Kayanza. Arrivés là-bas, on trouve des enfants dont l'âge varie entre 10 et 14 ans, à côté des trous d'environ 3 à 5 mètres, dont l'on extrait de l'argile pour la fabrication des briques. Celui-ci dit qu'il a jugé bon d'abandonner l'école car il lui était difficile de combiner les études et le travail. J'ai commencé ce travail quand j'étais à l'école primaire. Non, ça m'a embrouillé et j'ai dû abandonner mes études. Claude Touyi Dzere, assis par terre, est en train de fabriquer les briques. Il affirme qu'il associe ce travail aux études. J'étudie les après-midi. Je parviens à me procurer du savon, du stylo, ainsi que d'autres produits. De préférence, jusqu'à 11h pour aller et arriver à l'école. Et je suis mes cours sans aucun problème. Ils font ce métier pour avoir de quoi manger et pouvoir aider leur famille, parce qu'ils sont dans la pauvreté. J'ai mes parents, mais ils sont très pauvres. Je mène une vie désespérée à cause de la pauvreté. Ces enfants disent qu'ils gagnent un peu d'argent. C'est entre 500 francs bout et 1000 francs bout par jour. Ces derniers font savoir qu'ils sont obligés de continuer ce travail pour leur survie. Je fabrique autour de 500 briques et je gagne à peu près 750 francs. Malgré cette situation, ces enfants ont des rêves pour leur futur, mais ils indiquent qu'il est difficile d'y arriver à cause de la pauvreté. L'administrateur de la commune Kayanza promet qu'il va se saisir de ce cas et demande à ceux qui emploient ces enfants d'arrêter cette pratique. Il admet toutefois que l'abandon scolaire est une réalité dans sa commune. Jean-Marie Manirakiza, administrateur communal de Kayanza. Je n'avais pas encore pris du temps suffisant car je n'avais pas encore vu la portée du cas. Très prochainement, je vais y passer pour saisir le cas, combien d'enfants font ce travail et savoir combien qui étudient et ceux qui n'étudient pas. Pour voir s'il y a des enfants qui peuvent regagner l'école, je demande à ceux qui fabriquent les briques de ne pas employer les enfants qui ne sont pas encore en âge de travailler. L'administrateur communal Jean-Marie Manilakiza, traduction en français de Misago. Le gouvernement de Bujumbura n'a pas encore reçu une correspondance de la part du pays voisin, le Rwanda, demandant le soutien du Burundi à la candidature du Rwanda à la tête de la francophonie. Propos de Philippe Enzobonariba, porte-parole du gouvernement burundais. Lors de l'émission publique animée par les porte-parole du gouvernement ce vendredi au chef-lieu de la province de Bururi, Philippe Enzobonariba ajoute que c'est normal que le Rwanda et le Burundi se soutiennent mutuellement malgré la situation actuelle parce que ces deux pays resteront toujours voisins. Le reportage de ce vendredi nous conduit sur la colline Kizuka de la commune et province de Lumonge au sud. Les habitants de cette localité plaident pour l'extension d'un centre de santé y érigé. Ils indiquent que cette structure de santé est trop exiguë vu la population de Kizuka. Un des membres du comité de gestion de ce centre de santé explique qu'ils avaient prévu des activités d'extension, ce qui est bloqué malheureusement par la non-indépendance financière dans le secteur de santé. Reportage signé Placide Niyomungere. Ce centre de santé se localise à quelques 3 mètres de la RN3 Bujumbura-Rumonge, soit à 6 km du chef-lieu de la province. Il est constitué de 3 salles, dont celle hébergeant la consultation, le stock et la pharmacie, une salle d'hospitalisation qui compte 6 lits et une autre à côté de 4 lits d'hôpital. Il compte également 8 infirmiers, alors que la population environnante est autour de 14 000. Cette femme explique que des fois, des malades dorment à même le sol. Il peut arriver que les malades viennent très nombreux, deux partagent un même lit, pas de moustiquaires. Certains dorment à même le sol. Qu'on s'occupe à l'extension de cet centre de santé, car si nous sommes nombreux, nous sommes dans une chaleur intense, ce qui provoque un nombre élevé de malades. Pour faire arriver un malade à ce CDS, explique la population, ils font recours à un vélo ou à la civière. On se sert des véhicules type Probox pour ceux qui ont des moyens suffisants. Pour le reste, ils s'abattent à la civière ou aux bicyclettes. En plus d'un nombre réduit des infirmiers, cet homme ajoute que des hommes et des femmes sont alités dans une même salle d'hospitalisation. Il y a une petite salle dans laquelle sont alités des hommes et des femmes. On a construit une autre à côté, mais des fois toutes ces salles sont pleines. Le malheur ne vient pas seul, dit-on. En convalescence, un malade est attaqué par après par des pineuses, ce qui le pousse à demander une sortie précoce. Issa Nizigimana, le chef culinaire Kizuka, reconnaît que sa population éprouve des difficultés étant à ce centre de santé et appelle le gouvernement burundais à une extension de cette structure de soins. Holichibonye Faustin, un membre du comité de gestion de ce centre de santé à Kizuka, indique que dans leur planification, ils avaient prévu une extension. Malheureusement, elle est bloquée par la non-indépendance financière dans la gestion. On avait prévu une extension de ce centre de santé, mais il y a un problème. Il y a des lois régissant la gestion des centres de santé. Il peut y avoir un besoin d'acheter quelque chose avec nos moyens sur le compte, mais on est bloqué par ces lois. Les démarches à faire poussent que les travaux avancent au ralenti alors que les moyens étaient disponibles. Holichibonye affirme également que ce problème a déjà affecté l'approvisionnement des médicaments, car selon lui, le comité de gestion doit formuler une demande auprès des organes hiérarchiques alors que les comptes bancaires de ce centre de santé sont régulièrement alimentés. Il demande que la législation relative soit retouchée. Contacté à ce sujet, le responsable du district sanitaire de Rumonge pour en savoir plus sur ce centre de santé, il nous a signifié que ce que nous avons vu de nos propres yeux sur terrain, dont une maison en chantier, suffit et que le reste, qu'on s'adresse au ministère de la Santé. Celui-ci nous a renvoyé aux autorités administratives de la province de Rumonge. Placide Niomungere, et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eric Wimana pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.